et sans façon. Une chanson, un petit poème sans illusion. Je vous laisse cette chanson. Je suis venu solitaire, d'après un matin d'aube claire, le sourire triste et le cœur là. Mais je vous crois en ce monde, je vous bats en ce monde, pour qu'un jour il soit. Cette chanson.